Fresh Air Community Radio is KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Hey, welcome to Bonjour Minnesota. Bonjour, bonjour, et joyeux Noël. Joyeux Noël. So this is we have Fred. How are you doing, Fred? I'm good. What about you, Adrienne? Good. Awesome. Looking forward to Christmas. Yeah. Romain is not here at the moment, but he might join us. We'll see. Maybe he'll come around. And I'm looking for Christmas too. I mean, it's coming up. We're so isolated for some part of the time that it's kind of nice to look forward something nice. Yeah. Are you doing anything special? I think we're gonna try to meet with my wife's parents. Okay. Yeah, so that should be great. You know, we haven't seen them in a long time, and the governor said that we could just do little gathering. So yeah, I think we'll take that opportunity. Are you gonna see the kids? You're gonna have the kids over? We're gonna keep the same arrangement that we have every year. I'm gonna have the kids on Christmas Eve, because in Paris we were always celebrating Christmas on Christmas Eve. Yeah. We were doing the gift the same night and things like that, and the next day they'll be with mom. So, but on Christmas Eve. And due to the time difference, we'll be able to probably meet on Zoom with my brother and my mom. Oh, that's really cool. When it'll be midnight over there and they're going to bed pretty late, it's still going to be on the early side here, like around 4-ish. Four, we'll be able to do that and it should be fun. Yeah, that sounds fun. It depends on the family. Some people open the gifts in the morning, right? Yeah. On the 25th. Yeah, we did that sometime too, but at home in France, we were doing that like on the 24th. Yeah, and, me too. This year I bought, like, it was on sale, so I bought like a Christmas Story, the movie. Oh, story. great movie. I saw it when I first came to the US, like the first year or maybe second, because my in-laws were like, you got to see it, you know, you got to. Mm-hmm. Ralph. Yep. And I have another one that's a surprise for the kids. So I can't mention it yet, just in case my kid would listen to the show, which is it a classic? Is it going to be a classic or something more recent? It's something more recent. Okay. Next week I can talk about it. Yep. Yeah. Very fun. I love White Christmas. I usually watch White Christmas all the time. And I was also thinking about watching the Lampoon's Christmas Vacation again. I haven't seen it for a very long time. I love John Candy. Yeah. I haven't seen it for a long time. I'm going to ask Eric if he wants to, but I'm not sure. I don't know where I need to look up where it plays. Yeah, it was on sale as well. But it's a funny one. It's the same deal. I watched it when I first came in the US, so like, you know, maybe 18 years ago or something like that. And I haven't since, but I think, and my kids are in age where they might start getting interested. Yeah, that's great. Yeah. It's a good movie. That's true. It's funny. That's good. Otherwise, all right. tonight there's going to be Christmas music. Oui. And a surprise. Yay. So you picked some, Romain picked some, I picked some. It's going to be mostly classics. So nothing really out of the ordinary. Yeah, that should be that should be fun. So everybody can enjoy and access it. That's good. It's kids friendly too. Excellent. So that should be nice. Mm-hmm. All right. Well, I don't know if we're going to get a white Christmas, but maybe we will. Yeah, it's going to get cold enough for snow. Soon, that's for sure. Yeah. I think they are forecasting about 10 degrees on Christmas Eve. So yeah, that's, stay inside. I think it's a Wednesday, maybe, that they are talking about snow. Oh, okay. That'd be great. Yeah. I can't wait for a little dusting at least, you know. That'd be good for the Christmas spirit. I don't mind as much. Do you remember a year when it wasn't snowed on the ground? Mm-hmm. For Christmas? Yeah, you do? Not many. I'd say out of the 20 years, maybe there's like 3 to 4 years at most. I think more like 2 or 3 years where it was a brown Christmas. Gotcha. Because frequently. Yeah. We had at least a dusting or something fairly light. So okay, yeah. Hey, talking about brown Christmas, I watched Charlie Brown. Did you already? Yeah, I did. I did watch Snoopy. Cool. Lucy, who is mean to Charlie. All right. But yeah. Yeah, we had the book. I like it. Mm-hmm. And so I knew about it. But this year, my youngest, who's in sixth grade. They did it. They did the voiceover, like for the whole movie on a video. So the video is showing kind of the movie, but they were the kids doing the voiceover. So that was pretty cute. Oh, they sent us the video after that, and I get to keep it. And yeah, it's very cool. Yeah, and it's made in Minnesota. Yes, the original and the voiceover because it's a Minnesota school. Right. All right. Let's listen to some musique de Noël. Yes, on y va. En français, on y va. C'est parti, Freddy. First, we're going to listen to a message from the WHO, or the World Health Organization, to reassure the children that Santa is immune against COVID. Then, we're going to listen to 3 songs from Tino Rossi, Petit Papa Noël, Little Santa Claus, Mon Beau Sapin, My Beautiful Pine Tree, and Douce Nuit. It's also known as Holy Night. Then we're going to have a word from Romain, who had not been able to be present at the start of the show, and he's going to introduce Chloe, who will read us a poem. I can tell you that Santa Claus is immune to this virus, and we had a brief chat with him, and he is doing very well. Mrs. Claus is doing very well, and they're very busy right now, but he is immune, so he will be able to travel in and out of the airspace and be able to deliver presents to children. But I think it is very important that all children of the world understand that physical distancing by Santa Claus and also of the children themselves must be strictly enforced. So it is really important that the children of the world, you know, still listen to their moms and dads and their guardians and make sure that they go to bed early on Christmas Eve. But Santa will be able to travel around the world to deliver presents. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant

Bonsoir, everybody, and happy holidays. Joyeuses fêtes à tous. And to celebrate the winter and also the holiday season, my daughter Chloe, who's been on the show a few times before, is going to read for you a poem called Hiver by Jacques Prévert, who's one of the greatest poets we've had in the 20th century in France. So, voici Chloé avec Hiver de Jacques Prévert. And it rhymes, so that's perfect. Au revoir tout le monde! Hiver de Jacques Prévert. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière. Le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge. Et d'un coup, disparaît. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. It was a speech from the WHO reassuring the children that Santa is immune against COVID. Then it was Tino Rossi with Petit Papa Noël, then Mon Beau Sapin, and Douce Nuit. And then it was Romain and Chloé with a poem. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. We'll have the charcuterie board, the artichoke dip, the deep fried beans, and oh, the KFAI. I'm sorry, but we don't have any KFAI on our menu. I thought you said KFAI was an app now. I said KFAI has an app. You can download it at your favorite app store. Oh. Be sure to get extra napkins and wear a mask. We'll listen to three songs from Hugo Frey. The first one is C'est Noël, it's Christmas. The second one is Le Petit Âne Gris, the little gray donkey. And the last one is Jingle Bells, que la neige est belle. Jingle Bells, the snow is beautiful. Dehors la bise est cruelle, mais dedans le feu délicieux, à la lueur des chandelles, tout est beau, tout est blanc, c'est Noël. Pas question que ça s'arrête, il neige et c'est la fête. Oui, celle qui nous vient du ciel, oui, c'est elle, c'est la neige, c'est Noël. Quand vient l'heure de se quitter, de glisser dans la nuit en traîneau. Et si tu veux bien m'enlacer, entre

vierge est belle quand elle danse dans le vent en tourbillonnant. Jingle bells, Dieu qu'elle est jolie quand elle danse au silence au fin fond de la nuit. Le magicien du ciel est descendu sans bruit avec ses demoiselles, les nains du paradis. L'hiver est arrivé avec son blanc manteau. Dans les champs et les prés, c'est le temps du repos. Quand elle danse dans le vent en tourbillonnant, jingle bells, Dieu qu'elle est jolie. Quand elle danse au silence au fin fond de la nuit, sous ce nouveau décor, dame nature s'endort. Et Saint-François protège les bêtes dans la neige. Attendant le printemps, les marmottes se cachent. Elles ronflent en rêvant et frisent leurs moustaches. Déluger des batailles, igloos et rigolade, bouscule à leur pagaille. La montagne sommeille dans les bras de Morphée. C'est le temps des merveilles, des monts et contes de fées. Jingle bells, que la neige est belle quand elle danse dans le vent en tourbillonnant. Jingle bells, Dieu qu'elle est jolie quand elle danse au silence au fin fond de la nuit. Le magicien du ciel est descendu sans bruit avec ses demoiselles, les neiges du paradis. Merci madame la neige, toi qui blanchis la vie, fais tourner tes manèges pour les enfants gentils. Qu'elle est jolie quand elle danse au silence au fin fond de la nuit. Hey! It was Hugo Frey with three songs: C'est Noël, Le Petit Âne Gris, and Jingle Bells, Que la Neige est Belle. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to a message from the Irish government confirming that Santa will be able to visit Ireland this year because the travel restriction does not apply to him. Then we're going to listen to Nana Mouskouri with L'Enfant au Tambour, the child with the drum. Then Isabelle Boulet with On Attendait Noël, We Were Waiting for Christmas. And Julie Lefebvre with Douce Nuit de Noël, Sweet Nights of Christmas. As Minister for Foreign Affairs, we've been working on the Santa Claus issue for a number of weeks now. And it's important to say to all children in the country that we regard Santa Claus's travels as essential travel for essential purposes, and therefore he is exempt from the need to self-quarantine for 14 days and should be able to come in and out of Irish airspace and indeed in and out of Irish homes without having to restrict his movement. But I am assured that children should not stay up at night because he does need to social distance, and so people need to keep at least 2 meters away at all stage to make sure that we keep him safe and indeed children as well. So he's exempt, he's coming, he's confirmed that, and he appreciates the fact that Ireland has ensured that in a very, very different Christmas in 2020, the visit of Santa Claus will be something that will remain consistent. Petit tambour s'en va.

attendant Noël, en attendant Noël, the Irish government confirming that Santa Claus can visit. And then Nana Mouskouri with L'Enfant au Tambour, Isabelle Boulay with On Attendait Noël, and Julie Lefebvre with Douce Nuit de Noël. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. KFAI is supported by people like you. Donate online at kfai.org. Now we're going to listen to Carla Bruni with Joli Sapin, Pretty Pine Trees. Then two songs from Claude François with C'est Noël et J'aurai tout ça. It's Christmas and I will have all of this. And the other one is En rêvant à Noël, while I was dreaming of Christmas. Quittez le ciel, vous êtes loin, vous me manquez comme un pays, comme un amour. Je n'ai plus rien dans mes souliers, hélas, hélas.

ensoleillée, j'ai trouvé ce soir des chants, des couleurs et des encensoirs. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la foi. J'ai vu la montagne s'ouvrir devant moi. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la paix, la joie, l'harmonie et l'accord parfait. De se retrouver comme au premier jour. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé l'amour. Avril de Noël en Noël, tous nos espoirs Christmas, little boy. Heavy metal. A wagon? A fire truck? A robot? Not enough metal. A BB gun? A rocking horse? A bike? More metal! Oh, I see. Death metal? Speed metal? Power metal? Yeah! You want the KFAI app. Download it for free and you can access Undead Stream, KFAI's new 24/7 all metal channel. Is there anything else on your list? Could I have a pony? You mean a metal pony? Ooh, Santa's awesome! This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to a classic from Lynn Renault, and it's Étoiles de Neige, Stars of the Snow. Then Aldebert with Maman Noël, or Miss Santa Claus. And then La Compagnie Créole with Bon Baiser de Fort-de-France, Big Kisses from Fort-de-France. And Fort-de-France is the capital of Martinique. It's also one of the big major cities. It's an overseas department of France located in the Caribbean. So they always do Christmas in the sun. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait. Du soir, près de sa bergère, au doux regard, étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours refleurirent, il s'en revint au hameau. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Étoile des neiges, tes garçons d'honneur vont en cortège portant des fleurs. Par un mariage finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Personne ne la connaît vraiment, faut dire qu'elle est plutôt discrète. D'ailleurs, comme elle le dit souvent, je vis dans l'ombre de la fête. Mais c'est bien elle qui, toute l'année, s'occupe du courrier des marmots, sélectionne et choisit les jouets, la couleur des papiers cadeaux. Alors entre nous, les lauriers, la gloire et l'amour des enfants, à qui reviennent-ils vraiment? Toujours lui, y a pas de raison. Maman Noël, tu mérites aussi ta chanson. Toute l'année, elle prépare l'événement, rapièce la légendaire pèlerine, pendant que monsieur prend du bon temps, emmène ses reines à la piscine. Souvent pendant qu'elle raccommode, elle se dit quel sacré vénard. Ce n'est pas toujours très commode de partager la vie d'une star. Alors entre nous, le prestige, les louanges et les rires des enfants, à qui reviennent-ils vraiment? Maman Noël, c'est toujours lui, y a pas de raison. Mérite aussi ta chanson. Et si on inversait les rôles? La tradition a fait son temps. L'année prochaine, ça va être drôle. Elle passe le costume rouge et blanc. Comme lui, elle a le permis traîneau. Elle sait descendre dans les cheminées, porter une hotte sur son dos. Ça doit pas être bien compliqué. Le pôle Nord, ça va 5 minutes. Et après toutes ces décennies, elle va enfin voir du pays. Maman Noël, c'est toujours lui, y a pas de raison. Maman Noël, c'est aussi ta chanson, petite maman Noël. It was Lynn Renault with Étoile des Neiges, Aldebert with Maman Noël, and La Compagnie Créole with Bon Baiser de Fort-de-France. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now, we're going to listen to a little skit of Le Père Noël est une ordure, and it's entitled Joyeux Noël, Félix. And Le Père Noël est une ordure, or Santa Claus is a trash, is a kind of a dark, funny comedy about Christmas. And, you know, there's a lot of adventures happening, and at some point, one of the actors impersonating the Santa, who's not a very good guy in this movie, is fighting with his wife. And his name is Felix, and his wife is not happy with him, and it's one of the scenes where she hit him with an iron. Then we're going to listen to Les Zut with Vive le 26 décembre, and it means hooray for December 26, because Christmas has happened, and they all have the gift, and they can make a mess out of it, and the parents no longer have any leverage for threatening them that Santa is not going to come if they are naughty, which is very

we're going to listen to Annie Cordy with Le Sapin Ravi, the Christmas tree who was very happy. Then another one from Annie Cordy called Noël chez moi, Christmas at my place. And Lina Boudreau with Noël Jazz, oh, Christmassy Jazz. On fait E, on fait I, on fait ho, ho. On fait hi, on fait ho, on fait ha, ha. On fait O, on fait A, on fait hi, hi. Oh, oh, oh. Oh, Noël te ramène, hey, chez nous, on accroche des lumières là. Partout, c'est le roi de la fête, oui, c'est toi. Oh, oh. Habillé de blanc, je resplendis. J'adore l'hiver, la neige aussi. J'ai de la veine, je suis verni, un vrai sapin ravi. Oh, je vois dans les yeux éblouis la joie des grands et des petits. En vérité, je vous le dis, je suis un sapin ravi. J'aurais bien pu être un être un peu plié, peut-être un beau bouleau ou un acacia, mais aucun d'eux n'est plus heureux que moi. Habillé de blanc, je resplendis. J'adore Noël, la neige aussi. J'ai de la veine, je suis verni d'être un beau sapin ravi. On fait hé, hey, on fait hi, on fait ho, ho. On fait hi, on fait ho, on fait ha, ha. On fait ho, on fait ha, on fait hi, hi. Oh, oh. Quand Noël me ramène, oui, chez vous, on m'accroche des lumières là, partout. Et le roi de la fête, hé, hey, c'est moi. Oh. Habillé de blanc, je resplendis. J'adore l'hiver, la neige aussi. J'ai de la veine, je suis verni d'être un sapin ravi. Oh, je vois dans les yeux éblouis la joie des grands et des petits. En vérité, je vous le dis, je suis un sapin ravi. J'aurais pu être un érable ou un vieux chêne vénérable. Et puis non, ça ne m'aurait pas branché. C'est si bon de se faire en guirlande. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est si bon de se faire en guirlandais, en guirlandais, en guirlandais. Moi, je trouve ça drôle. Ah, vous pas, bon. Ma maison n'est jamais plus jolie que lorsque Noël nous réunit. Elle aime se faire belle pour les amis et le bonheur lui réussit. Dans la cheminée, un feu crépite, une flambée de joie qui nous invite à fêter le retour de l'hiver, loin des tracas, des faits d'hiver. Passer Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Viens, passer Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Ma maison n'est jamais plus cosy que lorsqu'on y cause et qu'on y rit. Avant de s'embrasser à minuit ou sous le loup ou sous le gui. Autour de la table, un air de fête, des bulles de champagne dans toutes les têtes, des trucs délicieux dans les assiettes. Oui, c'est comme ça, Noël chez moi. Passer Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Viens, passer Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. La King Kong et Sinatra, Dean Martin, etc. C'est Noël chez moi, et on aura du beau monde, tu verras. Nat King Cole, et Sinatra, Dean Martin, etc. Autour de la table, un air de fête, des bulles de champagne dans toutes les têtes.

The Angels from the Countryside, and Patapon, featuring Kristen Kearns playing the flute. Yeah. Was Les Canadiens errants with Il est né le divin enfant, then Les anges de nos campagnes, and Patapan, featuring Kristen Kearns playing the flute. Now we're going to listen to three songs from Francine Roche, and it's her Joyeux Noël's album. The first one is Promenade en traîneau, the second one is La Symphonie de Noël, the Christmas Symphony, and the last one is Les Trois Cloches, the Three Bells. Symphonie de Noël.

obsédante et monotone. Elle redit aux vivants, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour. La vie éternelle, l'éternité de l'amour. It was Francine Roche with Promenade en traîneau. Then la symphonie de Noël and les trois cloches. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Thank you for listening. And keep on listening. We'll be back next week. Yes. We wish you a Merry Christmas. Very pleasant if you are inside. And also stay tuned for Balkan Jamboree with Nikolai. Exactly. And happy holidays. And the archives are on KFAI.org. And keep listening to KFAI. Thank you for listening to Bonjour Minnesota. Au revoir. Au revoir.